pour mon gouvernement. Enregistrement fait en date de l'année 2024. Le titre ne vient pas de moi, mais plutôt d'une suggestion de la part de Francis de Montréal, avec lequel j'échange par courriel. Et là, il m'a écrit un texte teinté d'humour. Donc, c'est sûr que l'individu qui se conscientise, il peut vouloir chercher à conscientiser les membres de la collectivité et également nos dirigeants. Et je trouvais intéressant son propos à différents égards et je vais vous le partager puis je vais commenter. Il dit « Dans le fond, Bernard nous annonce la fin du monde ». Donc ici, il fait référence à Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale. En fait, oui, il nous annonce la fin du monde comme on le connaît, c'est-à-dire au niveau psychologique, pour connaître le commencement du monde, donc ce qui va être question au niveau psychique, vibratoire. Donc, un monde ancien prend fin pour qu'un autre puisse prendre forme, ce qui est en relation avec le passage de l'involution à l'évolution et l'entrée dans un nouveau cycle de développement, donc passer d'un mental psychologique, analytique, à un mental vibratoire. Donc, c'est la fin du monde comme qu'on connaît. Il dit, Francis, je ne sais pas si ça changerait quelque chose si je pliais toutes les notes sous forme de livre. Là, il fait référence à des notes qu'il a prises en lien avec l'instruction supramentale et je l'enverrais traduit à tous les gouvernements de la Terre. Pourrait-il mieux se préparer? J'arrête ici la lecture. Est-ce que d'envoyer de l'information à caractère vibratoire à des membres du gouvernement va les permettre de se préparer à une transition, c'est-à-dire le passage d'une gouvernance de l'involution régie par les forces astrales à l'intégration d'une compréhension que la gouvernance va se faire à partir des gens qui ont un mental froid, c'est-à-dire un mental vibratoire en relation avec les circuits universels et une conscience cosmique? Est-ce que quelqu'un qui vit une conscience psychologique va être capable d'intégrer l'information qui est à caractère vibratoire? La réponse, c'est non. Par contre, s'il y a quelqu'un au gouvernement qui est appelé à faire partie de la nouvelle gouvernance, ça se peut qu'il ait la sensibilité psychique pour l'intercepter ou la capter, advenant le cas. Ça dépend. Je vais continuer la lecture. À quoi ça sert de parler si tout va arriver et que seuls les gens conscients sont concernés? Une très bonne question. Parce que des fois, les gens, on se met sur les épaules une responsabilité avec un désir spirituel de vouloir changer ou sauver le monde ou conscientiser les membres du gouvernement à un passage, à un nouveau cycle, alors que s'ils n'ont pas la capacité de comprendre l'information car appartenant au cycle ancien et régi par les lois de l'évolution et fonctionnement strictement en fonction d'un mental psychologique, ça ne sert pas à grand-chose de dépenser de l'énergie. De toute façon, la personne ne sera pas mise en vibration pour faire ça. Prêcher au gouvernement pour faire du prosélytisme, comme autrefois, il y a des gens qui faisaient du prosélytisme religieux, donc la promotion d'une religion, là, ça serait la promotion d'une instruction supramentale. Si la personne n'est pas mise réellement par rapport à ça, c'est une perte d'énergie de sa part. C'est sûr que seulement les gens concernés qui sont conscients par rapport à ça. Il dit, ça serait quand même drôle que j'envoie mes notes à François Legault, Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Ils pensaient que c'était une blague sans doute et que je suis fou de leur dire que des extraterrestres me communiquent, nous ont communiqué, nous expliquent ce qui se passe et comment les choses marchent. Et je leur dirais qu'eux aussi, des extraterrestres, les communiquent. J'arrête-t-il la lecture? Bon, il fait référence à des extraterrestres, mais si on parle par rapport aux êtres du plan éthérique, que certains vont appeler le plan ou ce que les esprits qui se rapportent à l'ego d'individus. Donc, dans un sens, on peut dire des extraterrestres, donc qui sont au-delà de la Terre. Je préfère parler, dans mon cas, d'êtres extradimensionnels, c'est-à-dire au-delà de la dimension physique, car se trouvant sur le plan éthérique, d'où origine le plan physique. Donc, de dire à des dirigeants comme François Legault qui dirige le Québec, de leur expliquer ça, ils n'auront pas nécessairement, ces gens-là, de ce que je perçois, de ce que je capte, la réceptivité par rapport à ça. Ils vont dire des blagues, des farfolies, c'est des fantaisies. Mais le point, c'est que ça a déjà été dit, là, j'invente rien, tout est reçu sous la forme du récipient. Il y a des gens qui sont manipulés malgré eux par des forces à caractère occulte, et plus précisément, ces forces-là les empêchent d'être conscients du fait qu'elles sont manipulées par elles, d'où la dimension sournoise de leur impact souterrain sur la psyché de l'individu à leur insu. Et ça crée des ça les amène à éviter de dévoiler certaines choses parce que ces forces-là vont s'organiser pour ridiculiser toute information qui vont à l'encontre d'un cadre de référence qu'elles ont implanté dans la psyché d'individus pour qu'ils soient des autoclos. C'est-à-dire qu'ils se maintiennent dans un mental psychologique et réflectif et qu'ils ne peuvent pas en sortir. Ensuite, il écrit ceci, c'est peut-être pour ça que Bernard parlait d'un gouvernement invisible, un gouvernement qui comprendrait ce qui se passe. L'ancien gouvernement sera détruit, n'est donc pas concerné par le monde nouveau, puisqu'il ne peut pas le comprendre. J'arrête ici. Donc, c'est sûr que les gens de l'évolution qui fonctionnent d'une manière psychologique et qui sont au gouvernement ne sont pas en mesure de comprendre les lois vibratoires qui vont être les assises du gouvernement nouveau, qui va être régi par des lois d'évolution. Donc, c'est sûr que si la personne n'a pas une conscience vibratoire, elle ne peut pas capter les principes relatifs à l'instauration d'une gestion à la surface du globe en relation avec des lois d'énergie qui vont permettre le renouvellement psychique et l'accès à une conscience créative à des individus sur la Terre. Donc, tant que la personne est psychologique, elle ne peut pas comprendre les lois vibratoires, tandis que la personne qui a une compréhension vibratoire et que dans le passé ne fonctionnait que d'un mental psychologique est en mesure de comprendre l'autre et ce n'est pas réciproque, d'où la souffrance des nouveaux initiés. Donc, la personne qui voudrait expliquer, par exemple, avec un désir de l'ego sous l'influence astrale, dans une certaine mesure, aux membres du gouvernement que, à quelque part, le gouvernement a à prendre fin dans sa forme actuelle pour passer à une nouvelle forme de conscience, étant plus vibrante, étant plus créative et moins assujettie à un passé qui garde les individus qui le composent dans du mémorial attaché à des traditions politiques et idéologiques. Donc, si la personne cherche à changer de gouvernement alors que les membres ne sont pas prêts parce qu'elle manque de discernement puis est trop dans l'empressement puis dans le désir d'ego, elle s'expose à la souffrance, à des oppositions, à du rejet, de l'incompréhension, à se faire insulter, ridiculiser, ainsi de suite. Mais c'est inévitable en lien avec son propos, c'est-à-dire que l'ancien gouvernement sera détruit. Donc, toutes les phases de développement en lien avec l'individu, le collectif, amènent des situations où Il y a, par exemple, par rapport à une civilisation, à un moment donné, il y a une apogée qui est atteinte. Ensuite, il y a un déclin après son émergence. C'est cyclique. Donc, par rapport à la civilisation qui est régie par l'intellect, c'est-à-dire le mental réflectif, elle vit la même chose. Donc, il y a eu à l'origine une émergence. Donc, des gens passaient d'une conscience émotive à une conscience intellectuelle. Ensuite, il y a une apogée. Il y a eu, entre autres, le siècle des Lumières où a été valorisée la réflexion qui a permis de libérer l'individu de certaines croyances à caractère religieux qui l'embrigadaient. Donc, mettre fin à certains éléments en lien, entre autres, avec le Moyen-Âge, se libérer de formes de superstition, en venir à une forme de développement technique où la personne utilise la réflexion et ça l'a amené, entre autres, à connaître l'ère industrielle, le développement des moteurs, le développement de différentes technologies. Par contre, il y a un point de saturation. Donc, la technique, d'une manière très sophistiquée, ça donne place, entre autres, à l'intelligence artificielle, qui est en lien avec des algorithmes, qui va stimuler l'intelligence réelle, qui est vibratoire, qui est créative. Donc, à un moment donné, il y aura un point saturation en relation avec l'activité de ce qu'on appelle les cerveaux électroniques, c'est-à-dire les ordinateurs qui vont, par exemple, générer certains types d'informations. Puis à un moment donné, il y a un point de saturation, on ne peut pas aller plus loin. Puis là, à ce moment-là, ce qui va prendre la relève, c'est l'intelligence vibratoire. Et ce qui va prendre la relève de la gouvernance planétaire présente, régie par le plan astral, ça va être une autre forme de gouvernance. Bon, Bernard de Montréal parlait de la régence planétaire. mais ça va être géré de plus en plus les affaires de la Terre avec une conscience vibratoire. Je vais poursuivre la lecture de son propos. Il dit « La justice actuelle ne peut pas non plus le comprendre, ce nouveau monde. » Ça, c'est clair. Tant que la justice est gérée en fonction d'une évaluation intellectuelle des gens qui comparaissent, une étude de leur antécédent personnel, etc. Donc, tant qu'on évalue en se référant du passé, prenons par exemple le cas de jurisprudence, pour s'appuyer sur lequel pour porter un jugement critique par rapport à un individu, une collectivité, tant qu'on se réfère à du passé, du mémoriel, ben on capte pas une vibration où on a le savoir de qu'est-ce qui doit être fait ou pas, ce qui est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus insécurisant pour l'ego, car ne s'appuyant pas sur des formes qu'il lit sur un passé. Donc, c'est sûr, quelqu'un, par exemple, qui veut prendre une décision, puis là, il va se référer, que ce soit, par exemple, le code civil, le code criminel et des articles de loi. Bon, ben qu'est-ce qu'il fait quand il se réfère ou cite des articles de loi? Il s'appuie sur une forme pour porter un jugement, il s'appuie sur du mémoriel. Tandis que la personne qui est capable de juger dans l'instantanéité du moment présent et dans l'immédiateté, à partir d'une captation vibratoire, qui est le résultat de l'énergie qui évalue. C'est pas l'ego réflectif qui évalue, c'est l'énergie qui donne le résultat instantané immédiat d'une évaluation n'étant pas le fruit d'une réflexion de l'ego. L'ego, ce qu'il peut faire, c'est capter le fruit de l'évaluation vibratoire qui se fait tout seul d'une manière instantanée en relation avec l'activité de l'esprit qui est multidimensionnelle pour faire une évaluation. Mais ça va changer. Donc, la justice va évoluer au fil du temps. Il dit « La science actuelle nous dirait psychotique, hallucinant, dérangé mentalement. » En lien avec son propos, bien c'est sûr, un psychologue qui rencontre quelqu'un qui parle d'une manière vibratoire, si la personne vit d'un mental psychologique, va dire de l'autre, bien, la personne est dérangée, elle a un problème de santé mentale, ainsi de suite. Donc, il y a des étiquettes qui sont mises. Donc, je vais poursuivre la lecture de son propos pour commenter. Il dit « Peut-être devrais-je écrire à l'ordre des psychologues. » Il dit « Déjà qu'ils ne savent pas que la manipulation perverse narcissique existe. Imagine de leur dire que des extraterrestres s'en viennent et que leur psychologie n'existe pas, qu'elle n'est pas réelle plutôt. » Je vais commenter ici. C'est sûr que les psychologues, ils n'ont pas intégré une compréhension multidimensionnelle de l'être humain. Donc, leur expliquer que quelque part, il y a des êtres... Lui, il parle d'être extraterrestre. Je préfère de parler d'être extradimensionnel dans le fond, s'en viennent. C'est-à-dire, les êtres au niveau du plan éthérique sont déjà là. Il va y avoir des êtres éventuellement sur le plan physique qui vont venir sur la Terre. Mais là, il va falloir apporter des nuances, dans le sens que les êtres qui ont un mental cosmique, qui sont évolués et qui ont collaboré avec l'individu nouveau, c'est-à-dire l'être en fusion, c'est des êtres qui, dans le fond, vont avoir une conscience supramentale, mais ce n'est pas tous les êtres de nature extraterrestre dans le cosmos qui en ont une. Il y en a qui sont limités ou en voie d'évolution, là. Ça dépend, là. Mais c'est sûr que la psychologie des psychologues, dans le sens d'une psychologie, un fonctionnement psychologique, c'est plus la réflexion, éventuellement, c'est pas réel par rapport à la multidimensionnalité humaine, dans le sens que ça n'embrasse pas la totalité de l'expérience de l'être humain, c'est limitatif. Puis tôt ou tard, les psychologues, dans le fond, sont appelés à devenir des parapsychologues, puis tout simplement des gens qui vont procéder à des lectures occultes et vibratoires par rapport à des éléments. Ça, c'est la façon de ce que je le perçois là, par rapport à l'avenir. Mais ces gens-là, un peu comme les gens du gouvernement, les gens dans le domaine de la justice, le domaine de la science, tant qu'ils fonctionnent dans un domaine d'une façon de manière psychologique, le matériel psychique et vibratoire leur est indigeste, c'est-à-dire... non intégrable, non gérable, car n'ayant pas d'assise interne, c'est-à-dire une conscience vibratoire, ne serait-ce sur le plan embryonnaire, pour capter l'intelligence de ce qui est abordé. Là, c'est là qu'il avait dit, il dit, tu pourrais nous faire une capsule intitulée pour mon gouvernement. Puis là, il rajoute, on pourrait écrire aux témoins de Jéhovah et leur dire, réveillez-vous. Quelqu'un pourrait essayer de convaincre les gens dans une secte ou dans une religion de s'éveiller une compréhension vibratoire, mais si la personne n'est pas marquée pour vivre une conscience vibratoire, c'est-à-dire que ça ne s'inscrit pas dans sa destinée, ça ne fait pas partie d'elle, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça ne servira à rien, ça ne changera rien. Il dit pourquoi, autrement dit, pourquoi s'inquiéter si tout va arriver? Pourquoi penser, pourquoi se préparer? On s'inquiète pour rien, Francis. En fait, j'arrête ici la lecture. Bon, on n'a pas à s'inquiéter de qu'est-ce qui va advenir du gouvernement. Même chose pour l'ordre des psychologues puis les gens dans le domaine de la religion, les adeptes, les croyants. Tout va être vécu en fonction de la programmation de chacun. Certes, quelqu'un peut avoir... dans le fond, je ne dirais pas que c'est futile de faire des enregistrements ou de parler de conscience parce que j'en fais... ça peut être utile pour une intégration individuelle ou qui concerne certains individus. C'est sûr que j'apporte des nuances à son propos dans le sens que si quelqu'un réellement est mis en vibration pour communiquer à quelqu'un au sein du gouvernement, par exemple, un individu spécifique, ça peut être intelligent que la personne le fasse. Mais si la personne cherche à communiquer d'une manière monolithique à tous les membres du gouvernement en y envoyant des documents liés à la conscience ou en partageant des enregistrements avec des propos vibratoires, vu que c'est pas bien ciblé, ça servira à rien ou à pas grand-chose. Donc, si quelqu'un est mis en vibration pour communiquer quelque chose à une information vibratoire à une autre personne, c'est parce qu'elle est marquée pour ça, elle va suivre une lignée énergétique, elle va être dirigée intelligemment par rapport à ça. Puis chaque chose en son temps, quelqu'un dans son ego peut dire, ben le gouvernement, ils sont mal gérés. Moi-même, je l'ai fait en disant, ils gaspillent des fonds publics pour alimenter l'industrie de la guerre. Donc, récemment, j'ai fait un enregistrement où ce que je critiquais, Justin Trudeau, qui dépense au-dessus de 3 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, alors qu'il pourrait utiliser l'argent qui représente, qui est une forme d'énergie autrement. Tu sais, il pourrait utiliser ça pour construire des logements sociaux, améliorer le réseau de la santé, régler des problèmes d'itinérance, et ainsi de suite. Ça, c'est dans ma vision de mon ego critique réflectif par rapport à la situation. Mais qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement agit d'une façon plutôt qu'une autre? C'est le fait qu'il est influencé par des forces. Ça peut être des forces astrales ou des forces au niveau éthérique. Puis qu'est-ce qui fait que quelqu'un ou un gouvernement arrête d'agir en fonction de l'astral? C'est que le plan éthérique prend le dessus. Mais en lien avec le propos tenu par Francis ici, le point que je veux faire, c'est que ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie pour vouloir, entre guillemets, sauver ou changer les membres du gouvernement qui ne veulent pas nécessairement l'être ou qui ne peuvent pas l'être car fonctionnant d'un mental psychologique. Puis, de toute façon, les gens qui ne sont pas concernés par le nouveau cycle n'ont pas à être informés par rapport au nouveau cycle car cela les troublerait. Puis, ça peut être contrariant aussi de se faire dire qu'à un moment donné, il y a une autre façon de faire, mais toi, tu n'en fais pas partie. Donc, ils peuvent sentir une forme de rejet ou d'incompréhension. Puis dans un sens, les lois vibratoires qui sont extrêmement strictes sont très dures pour l'ego. C'est comme quelqu'un qui se fait dire, toi, ton poste va prendre fin telle date, tu ne pourras pas connaître une mise à jour de tes connaissances ou compétences parce que tu n'as pas la contenance énergétique. Donc, il n'y a rien à faire avec toi, dans un sens, compte tenu du contexte présent. C'est très... quelqu'un peut très mal vivre avec ça, dans le sens que c'est comme quelqu'un qui se fait dire, tu te fais mettre à la porte parce que tu ne peux pas intégrer le nouveau logiciel, tu n'es plus à jour en matière d'informatique, donc comme tu ne peux pas changer, dehors. Puis c'est un peu ça qui va avec les membres du gouvernement. Puis il y a des gens qui peuvent vouloir changer ou intégrer une conscience nouvelle et avoir un désir en tant qu'ego sincère d'évoluer, mais s'ils n'ont pas la contenance, ils ne pourront pas, en dépit de toute forme de désir qui les lie à une forme de haute astralité pour des raisons d'instinct de survie qui va chercher à vouloir les amener à se maintenir en poste en disant qu'ils vont s'ajuster ou évoluer. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Ben, le gouvernement, tous les dirigeants des pays qui fonctionnent strictement avec l'intellect, tôt ou tard, vont être appelés à être remplacés par des gens qui vont fonctionner d'un mental vibratoire. C'est juste une question de temps. C'est une situation qui va arriver là, au cours des prochaines années, voire des prochains siècles. Et la personne n'a pas à faire plus que ce qu'elle se sent appelée à faire, dans le sens que quelqu'un n'a pas à écrire à des milliers de politiciens une lettre avec des livres sur la conscience puis des vidéos pour les amener à se conscientiser si elle n'a pas l'appel intérieur. T'sais, c'est pas comme par exemple quelqu'un n'a pas intérêt à écrire au-dessus d'une centaine de députés à la Chambre des communes. Si elle n'est pas mandatée par rapport à ça, par l'esprit, si quelqu'un a un mandat de diffuser, c'est autre chose. Puis honnêtement, en tant qu'ego, je ne souhaite pas avoir un mandat de diffuser à tous les membres du gouvernement. Imaginez, là, prenons par exemple la Chambre des communes où il y a au-dessus d'une centaine de députés, tous les contacter un par un, leur parler de ça, c'est du travail, ça représente beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc en tant qu'ego, puis c'est pas moi qui décide, si j'ai à faire quelque chose, je suis manipulé. Là, présentement, je suis manipulé à un certain niveau dans un sens pour communiquer à travers des enregistrements sur le web. Mais dans le fond, la personne a à faire ce qu'elle a à faire. Si elle met en vibration pour parler de quelque chose, puis c'est réel, le mouvement va se faire. Ça ne demandera pas trop d'énergie. Elle ne sentira pas non plus trop de résistance de par rapport les individus avec lesquels il va interagir. Parce que il va aller dans le sens d'un mouvement qui est déjà là en relation avec ce que la personne a à vivre. C'est comme ça. Ou quelqu'un peut avoir une vibration de communiquer avec une personne qui est membre du gouvernement, pas une centaine. Puis là, s'il a parlé avec elle, il parle avec elle, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est individuel. Le processus de conscientisation, comme a expliqué Bernard de Montréal, est individuel. Donc, la civilisation, comme on la connaît, va prendre fin. Il y a des gens qui sont aux premières places de notre société, que ce soit des dirigeants ou autres, leur règne va prendre fin. Puis il y en a qui n'ont pas à comprendre pourquoi que leur règne va prendre fin parce qu'ils ne sont pas capables d'intégrer l'information. C'est sûr que de se faire dire que la pensée vient d'ailleurs, qu'il y a une dimension occulte à l'être humain, il y a des êtres dans l'invisible qui tirent les ficelles, qui manipulent, c'est indigeste pour beaucoup de personnes. Puis de confronter un peu plus loin les gens au fait qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et qu'à quelque part, s'il n'y a pas de libre arbitre, ben, les gens sont manipulés puis sont pas libres. Puis si leur cycle prend fin, ben, ils n'ont pas le choix de connaître la fin de cycle parce que ça fait partie de la programmation de ce qu'ils ont à vivre. C'est très indigeste. C'est une fatalité. C'est un petit peu comme la vieillesse sur le plan individuel. Donc, quelqu'un qui est habitué d'être en puissance. Puis en vieillissant, ben, il se fait montrer la porte en disant, ben, écoute, t'as plus toute ta tête, ben, là, tu peux plus gouverner, tu peux plus, tes décisions sont plus éclairées au niveau du gouvernement, ben, il se fait envoyer à la retraite. Ça, c'est sûr, ça peut être dur pour l'ego. L'ego peut sentir du rejet, etc. Tant qu'il réfléchit, si l'ego se rend en contact avec les plans de la lumière, ça dirait, ben, t'as plus à diriger, il faut que tu laisses la place à d'autres qui sont plus conscients que toi. Puis il reconnaît l'intelligence de ça parce qu'il est transparent de son ego, ben là, il laisserait tout simplement sa place. Mais naturellement, quelqu'un qui est sous influence astrale, qui est imbu de lui-même, qui aime le pouvoir, qui a un ego hypertrophié, il voudra pas faire ça. Il voudra se maintenir en puissance le plus longtemps possible. Pourquoi? Ben, parce que ça lui donne le sentiment d'être quelqu'un, d'exister à travers la forme. Quelqu'un qui existe tout simplement et se sent être en s'appuyant sur le vécu d'une vibration de nature cosmique et éthérique, c'est pas pareil. Mais on est dans des gouvernants de la forme, mais ça va prendre fin. Puis, il faut pas en faire plus que ce qu'on est appelé à en faire, car sinon on s'épuise puis on est en perte d'énergie, c'est inintelligent. Ça rend service à personne puis ça nous met en opposition avec des gens pour rien. Chaque chose en son temps. Bon, là-dessus, je vais arrêter cet enregistrement. Comme à l'habitude, je salue Francis et également toutes les autres personnes qui écoutent mon enregistrement présentement. Et je vous dis à bientôt. Bye.